Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. Le sud de la France en général, et le Var en particulier, a été durement touché par les inondations les 23 novembre et 1er décembre derniers. En particulier la basse vallée de l'Argens, qui est régulièrement soumise aux inondations depuis 10 ans. Vous avez été inondé, monsieur ? Oui, tout à fait. Vous montez haut chez vous ? J'habite pas là, j'habite au-dessus, moi. D'accord. J'ai pris 30 cm dans la maison, voilà. Ça vous inspire quoi, vous, ces inondations à répétition, là ? Beaucoup de dégoût. Vous imaginez, en une semaine ? En une semaine, deux inondations. C'est énorme, je trouve. Voilà. Donc à eux, les politiques, maintenant, de faire le nécessaire pour éviter que ça se reproduise. Ce que les habitants demandent, la construction par la mairie d'un bassin de rétention le long de ce ruisseau, c'est lui qui a débordé hier. Selon ce couple, un projet vieux de 10 ans qui n'a jamais abouti. On est délaissés. On est délaissés. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire ? Moi, j'ai envie de fermer ma porte et partir. Voilà, c'est tout. Ne plus faire de travaux, ne plus rien faire. Mais nous avons des enfants et des petits-enfants. Face à ces habitants à bout, cet adjoint au maire, lui, se défend de toute inaction. Là, les habitants disent qu'il y a des travaux qui leur avaient été promis, un bassin de rétention notamment, que rien n'a été fait. Non. C'est pas tout à fait exact. Vous savez que la municipalité ne peut pas décider des travaux. Ce sont les services de l'État qui, à chaque fois, reculent l'autorisation de travaux. Bonjour Magali Reguezza. Bonjour. Vous êtes géographe, maître de conférences à l'École normale supérieure. Et vous avez notamment publié Résilience au pluriel chez Isté Édition. Comment comprend-on, lorsqu'on est géographe comme vous, ces inondations à répétition ? Alors en fait, c'est la conjonction de plusieurs phénomènes. Le premier, ce sont des phénomènes purement naturels qui sont traditionnels en Méditerranée. Ce sont ces orages très violents qui s'abattent de façon très localisée. Et ces phénomènes, en fait, sont aggravés de deux façons. D'une part, parce que la transformation du milieu qui a été consécutive à l'urbanisation de certaines zones qui, jusqu'en gros, il y a 30-40 ans, étaient des zones soit de culture, soit des zones naturelles, c'est que les surfaces sont perméabilisées et que donc évidemment vous avez un ruissellement plus important, mais aussi parce que justement on a dans ces territoires des populations qui sont venues s'installer sur des zones qui n'étaient pas occupées préalablement. Et le problème, c'est que en plus ces populations aujourd'hui vieillissent, qu'on a un urbanisme qui n'est pas du tout adapté à la montée des eaux. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de ces territoires qui en fait ont un héritage de politique d'urbanisation qui n'était pas du tout en accord avec la réalité du milieu et la réalité des risques que représentait ce milieu. C'est-à-dire, expliquez-nous. C'est-à-dire que quand vous avez ces territoires qui sont exposés à des risques d'inondation, il faut rappeler qu'au départ, ces aléas, ce qu'on appelle nous des aléas en géographie, c'est sous ces processus physiques, ils sont naturels. Et par le passé, les sociétés qui habitaient ces territoires avaient mis en place un ensemble de formes d'habitat qui permettait de se mettre à l'abri. Par exemple, on ne construisait pas à côté des cours d'eau. On se mettait en hauteur. Par exemple, on construisait des maisons à étage et souvent les rez-de-chaussée étaient occupés par des choses qui pouvaient être détruites ou facilement déplacées. Avec l'urbanisation des 40 dernières années, vous avez eu en particulier un développement des habitations de plein pied. C'était assez logique parce que les populations qui viennent s'installer dans le sud sont des populations soit déjà âgées, soit qui viennent en pensant à la retraite. Et donc les gens se disent qu'une maison à étage, c'est plus compliqué. Mmh. Et puis vous avez eu aussi la volonté d'avoir des maisons individuelles. On avait des terres agricoles. Ces terres agricoles, elles permettaient l'infiltration de l'eau. Mmh. On remplace ça par des toitures, par des parkings, par des terrasses. Forcément, l'eau ne s'écoule plus. Alors en plus, dans le cas qu'on a eu ces dernières semaines sur le sud de la France, on a en fait deux phénomènes un petit peu différents. Le premier, c'est effectivement la pluie qui va faire gonfler les ruisseaux et toutes ces ravines, ces canalisations en fait naturelles, mmh, qui permettent à cette eau de s'écouler. Et donc vous avez des débordements, et vous avez aussi des phénomènes qu'on appelle des phénomènes de ruissellement urbain qui sont là purement liés au fait que l'eau va ruisseler sur les trottoirs, va ruisseler sur les routes, et que les conduites d'évacuation des eaux pluviales ne sont pas suffisamment calibrées pour évacuer toutes ces eaux. Et donc vous avez aussi des débordements qui sont là liés vraiment à l'urbanisation et au fait que les réseaux ne sont plus en capacité d'évacuer ces abats d'eau. Dans les deux cas, en fait, vous avez eu des modes d'occupation de l'espace qui ont été très rapides. Il faut rappeler que l'urbanisation sur ces territoires, elle est relativement récente et qui font qu'en fait, on a oublié les risques, qu'on est venu s'installer parce qu'il y avait aussi des opportunités en termes paysagers, en termes de climat, en termes d'emploi, en termes d'attractivité. Il y a un ensemble de facteurs qui expliquent pourquoi on est allé s'installer là. Mais de fait, aujourd'hui, on se rend bien compte que cette occupation dense des zones inondables fait que les gens sont extrêmement vulnérables à l'inondation, qu'ils ne sont pas non plus forcément préparés. On a vu récemment des comportements qui sont des comportements de mise en danger de la vie des personnes, alors qui peuvent aussi s'expliquer par des facteurs qui font que les gens soit ne sont pas informés, soit ne connaissent pas les comportements, soit ont de bonnes raisons de sortir. Mais toujours est-il qu'on a une combinaison de facteurs qui explique aujourd'hui un degré de vulnérabilité extrême et des formes d'habitat qui sont totalement inadaptées à la réalité de ces milieux. Et alors, quel est le lien que l'on peut faire, ou pas d'ailleurs, Magali Regezza, avec le réchauffement climatique, puisqu'on se dit que c'est inévitablement le cas. Or, pour la vallée de l'Argens, comme je l'ai dit, ces inondations à répétition, elles existent depuis 10 ans. Bref, qu'en est-il, vous qui êtes géographe ? Alors, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer d'abord un processus qui est un processus d'augmentation des risques qui n'est pas lié au changement climatique, mais qui est lié à ce que je venais d'expliquer, c'est-à-dire à cette transformation de l'habiter, de la façon qu'on a d'habiter et d'aménager les territoires. Ça, on l'a entendu. Donc, la manière dont, effectivement, voilà, on fait... Donc ça, c'est un premier point, et on n'a pas besoin d'un changement climatique pour avoir déjà le problème. Il se trouve qu'aujourd'hui, on a un changement climatique en plus qui va modifier l'intensité et la fréquence des processus. La difficulté qu'ont aujourd'hui les climatologues, c'est de dire que tel événement précis est directement lié au changement climatique. Ce qu'on a, c'est une tendance. Et la tendance, elle est très claire, c'est qu'il risque d'y avoir une augmentation de ces événements, en particulier une augmentation d'intensité. Et ça, ça pose un double problème. Le premier problème, c'est que si vous avez une intensité de ces phénomènes, ça veut dire que les ouvrages existants et les aménagements existants ne vont pas être efficaces ou être moins efficaces pour atténuer l'importance de ces aléas et de leurs conséquences. Le deuxième problème, c'est qu'il existe aujourd'hui une incertitude sur les irrégularités de ces phénomènes. Certaines modélisations tendent à montrer qu'on aurait des événements plus intenses mais plus rares. Qui dit plus rare dit que les gens seront encore moins préparés par rapport à ces événements. Juste pour vous donner une idée à l'échelle mondiale, on sait qu'aujourd'hui, on a une tendance à l'augmentation des catastrophes naturelles dans le monde et de leurs coûts. On évalue à à peu près 40% la part du changement climatique dans ces événements. Ça veut dire qu'on a 60% qui sont liés à des dynamiques humaines. Ce que je dis, ça ne sert pas du tout à alimenter le climato-scepticisme, bien au contraire. C'est qu'on a déjà une situation qui est compliquée, qui s'aggrave. Et quand on rajoute encore le changement climatique, on a encore une couche supplémentaire dans le problème. Et donc là, il y a un enjeu vraiment important de réfléchir à la transformation de ces territoires avec la conjonction de phénomènes. D'un côté, un vieillissement des populations qui va poser des problèmes très importants en termes de vulnérabilité, parce que, évidemment, vous ne gérez pas une crise de la même façon quand vous avez des personnes âgées et des personnes plus jeunes et donc plus mobiles. Et puis, ces incertitudes liées au climat, qui perturbe encore l'anticipation et la projection. Et donc aujourd'hui, en fait, tout l'enjeu, c'est de gérer des héritages et de penser le futur dans un contexte d'incertitude qui est très grand et qui est très importante parce que on sait que les coûts seront majeurs et ces coûts, ils vont se payer à la fois par la sécurité la plus élémentaire de la vie humaine. On voit qu'on a encore des victimes. Par la sécurité des personnes qui vont être impactées, parce qu'il faut rappeler que ces personnes qui sont victimes, il y a évidemment les morts et les blessés, mais il y a aussi tous les traumatismes induits, les surmortalités qui peuvent être induites par ces événements traumatiques. Et puis derrière, ce sont les dommages matériels qui deviennent récurrents, parce que là aussi, nos sociétés sont de plus en plus riches, donc les biens ont plus de valeur. Il faut rappeler que par le passé, vous aviez simplement parfois des cabanons, aujourd'hui, vous avez des maisons avec des voitures, etc. Donc si vous voulez, vous avez là encore une conjugaison de facteurs qui font que le changement climatique vient rajouter de l'incertitude et de la pression sur un système qui est déjà en crise. Et alors, aujourd'hui, qu'est-ce que l'on peut faire contre cela ? Alors, il y a un certain nombre de mesures qui sont prises pour lutter contre les crues. Est-ce qu'il y a eu défaillance en France ? Qu'est-ce que l'on aurait pu faire pour éviter ces catastrophes à répétition, Magali Regezza ? Alors, effectivement, on peut voir une défaillance dans la façon d'aménager ces zones inondables sans d'une part réfléchir au type d'habitat qu'on y mettait et d'autre part préparer les populations à faire face en cas de crise. Et donc on a effectivement des héritages qui font que les gens se sont sentis en sécurité, protégés par la technique. Et en fait on a inversé les priorités. C'est-à-dire qu'on a imaginé que la technique pouvait empêcher les risques, que la technique pouvait conduire à ce fameux risque zéro sur lequel repose notre pacte social, puisque l'État et la société sont supposés garantir votre sécurité. Et donc on se retrouve dans une situation compliquée où finalement les gens réclament toujours plus de technique, alors même que la technique ne pourrait avoir sa place que si elle permettait d'atténuer la transition que de toute façon on va avoir besoin de faire. Et il n'y a pas aujourd'hui de solution miracle, parce que toutes les mesures qu'on peut prendre, elles peuvent atténuer les processus, elles peuvent à un certain moment permettre de gagner du temps, mais le vrai enjeu, c'est comment on aménage ou on réaménage ces territoires et comment les gens vont pouvoir vivre avec ces inondations. Et ça, c'est très compliqué parce que c'est vraiment un changement complet de logique. Il faut rappeler aussi que les techniques qu'on peut mettre en œuvre, elles coûtent très cher. Et donc la question qui se pose, c'est qui va payer et comment est-ce qu'on va répartir de façon juste et équitable le coût de la sécurité. Vous pensez à quoi ? Eh bien, quand vous construisez une digue, par exemple, ou un bassin de rétention, ça veut dire qu'à un moment, il faut que quelqu'un paye. Et donc ça veut dire que sur le territoire, il va falloir savoir qui va payer le coût de l'infrastructure. Mmh. Il va falloir aussi arbitrer entre la digue, l'école, la route, et savoir qui va en bénéficier et qui ne va pas en bénéficier. Parce que là aussi, quand vous modifiez un milieu naturel, en réalité, vous déplacez le problème. Vous déplacez le risque sur d'autres personnes. Or, aujourd'hui, on voit qu'on a des gens qui sont en zone inondable, qui ne savaient pas, qui ne se sont pas installés par plaisir en zone inondable. On voit aussi beaucoup de gens inondables qui ne peuvent plus quitter cette zone inondable. Parce que vous avez acheté votre maison, vous avez investi vos économies, je ne parle même pas de la dimension affective. Il est évident que déménager pour où, déménager pourquoi et comment est-ce que vous allez être indemnisé? Parce qu'évidemment, cette maison, c'est toute votre vie et toutes vos économies. Donc on voit bien qu'on a des situations individuelles qui sont tragiques. On a aussi des territoires qui sont en grande difficulté parce que déplacer des populations, ça veut dire créer des risques sociaux, des risques économiques, des risques environnementaux sur les friches que vont constituer ces territoires qui vont être expropriés. Donc on voit bien que tout ça est très compliqué et demande une réflexion. Et en gros, aujourd'hui, nous, ce qu'on préconise, c'est en fait une réflexion à trois niveaux. À court terme, on a vraiment besoin d'avoir un travail sur la gestion des crises et sur la préparation des populations. La loi a beaucoup évolué depuis maintenant 15 ans, mais c'est vrai qu'on voit bien qu'encore aujourd'hui, on a des difficultés à la fois dans la diffusion de l'alerte et des messages comportementaux et dans l'entretien de ces bons comportements et de la prise en charge des plus faibles. Donc à court terme, c'est vraiment de travailler sur ces doctrines de gestion de crise, d'impliquer les populations pour faire en sorte que finalement on arrive à réduire au maximum les dommages. À moyen terme, c'est l'enjeu de ce qu'on appelle nous le renouvellement urbain, c'est-à-dire comment on arrive à reconstruire et à adapter le bâti pour permettre dans certaines zones, pas partout mais dans certaines zones, de continuer à vivre avec le risque en finalement intégrant ce risque à la vie quotidienne, à la pratique quotidienne d'habiter dans ces territoires. Et puis à long terme, c'est de penser la transition et les coûts de cette transition, parce que certains territoires ne seront peut-être plus habitables, ou en tout cas habitables, mais à des coûts tellement faramineux que ça serait dangereux, trop compliqué de le mettre en place. Et donc ça, c'est vraiment des politiques de long terme. Quels sont ces lieux en France ? Est-ce qu'il y a une sorte de catégorisation possible de ces lieux qui feraient mieux d'être abandonnés? Alors il y a d'abord des endroits où on n'aura pas forcément le choix, ce sont les littoraux, les côtes basses qui seront submergées, soit des côtes hautes qui risquent de disparaître avec le recul des falaises. Et là aussi on a des processus un peu complexes qu'il faut intervenir à la remontée du niveau marin, mais aussi d'autres processus anthropiques et naturels qui font que les littoraux sont mouvants. Donc ça, c'est le premier point. Il va y avoir aussi des lieux qui vont être plus difficiles à vivre, parce que le changement climatique, c'est pas uniquement les excès d'eau, c'est pas uniquement les submersions marines, ce sont aussi les épisodes de sécheresse, les canicules, et donc en fait la pression sur l'eau, mais la pénurie d'eau. Et la pénurie d'eau qui, en plus, va s'accentuer parce que les usages autour de l'eau et la pression sur l'eau ont augmenté ces dernières décennies, là encore, du fait de la concentration des populations et dans le sud de la France, en plus, du tourisme. Donc, si vous voulez, il y a certains lieux où il va possiblement devenir plus difficile de vivre, en particulier si vous avez une augmentation des épisodes de canicule. Quand vous avez des personnes fragiles, évidemment, c'est très compliqué pour les organismes. Et donc, dans certains cas, habiter ces espaces demandera des adaptations très fortes, très lourdes, et peut-être que certaines populations ne pourront plus y vivre. Derrière mon propos, il y a l'idée que le changement climatique et ce qu'on traverse aujourd'hui, ça demande de négocier collectivement le risque acceptable. Le risque acceptable, c'est quoi ? C'est quel risque, en tant qu'individu, en tant que collectif, je suis prêt à prendre et quel coût de la sécurité je suis prêt à payer. Et ça, c'est une question qui se pose aujourd'hui parce qu'on voit bien qu'on a un ensemble de crises qui ont eu lieu, des crises qui sont annoncées sur des grandes inondations avec des coûts très importants. Et donc, il y a derrière la question du coût de la vie humaine, il y a derrière la question des coûts économiques et du partage de ces coûts. Ça interroge aussi la question de l'assurance. Comment est-ce que demain, on va assurer ces risques ? Qui va payer les surcoûts ? Est-ce qu'on reste sur un système de solidarité nationale qui fait que chacun paye pour tout le monde, y compris pour ceux qui ont fait n'importe quoi ? Ou bien est-ce qu'on va sur des systèmes d'assurance plus individuels qui fait que seront exclus tous ceux qui ne pourront pas payer ? Et vous voyez bien que dans une société qui est traversée par des inégalités majeures, ces questions-là, elles sont fondamentales parce qu'elles touchent à notre pacte social et à notre modèle de société. Et ce débat, pour l'instant, sur le risque acceptable n'a pas eu lieu. Et donc, c'est vrai que, finalement, on se rend compte qu'on est dans une attitude un peu jusque-boutiste, c'est-à-dire soit d'un côté le fatalisme, puisqu'on est dans une situation et une trajectoire telle qu'on a aujourd'hui, ben, ne faisons rien, et donc on est dans l'inaction, et on repousse les décisions, ou bien alors des politiques qui sont intenables, qui consistent à dire il faut tout geler et il faut interdire l'urbanisation des zones inondables. Et ça, ça se fait au cas par cas et territoire par territoire. Il y a des territoires à risque qui continueront à être habités et pour lesquels les communautés, les sociétés devront mettre en place un certain nombre de mesures et de redistribution des coûts. Mmh. Et puis d'autres territoires qui devront être abandonnés. Et ça ne peut pas être décidé a priori parce que ça dépendra de ce que les habitants et les gens veulent faire. Et donc tout l'enjeu, c'est aussi de construire des processus qui vont permettre d'accompagner et d'atténuer les coûts de la transition, de les répartir de façon plus équitable et plus juste. Et la dimension politique, Magali Regezza ? Elle est absolument fondamentale, parce que on se rend bien compte qu'aujourd'hui, on a un discours qui est un peu schizophrène. D'un côté, l'État doit tout faire. Et de l'autre côté, ce sont les gens qui vivent en zone inondable qui sont coupables, qui sont irresponsables. Entre les deux, vous avez les collectivités territoriales, les élus qui sont en première ligne, les élus qui aussi sont accusés d'incurie, alors que souvent aujourd'hui, les maires qui sont aujourd'hui en face de ces problèmes, ils ne font que gérer les héritages de leurs prédécesseurs. Donc on a un arsenal juridique aujourd'hui qui existe. La question, c'est comment est-ce qu'on le rend pertinent et surtout comment on transforme un problème qui a été vu pendant des années du point de vue de la technique et de la technocratie en un problème politique, c'est-à-dire un problème qui fait débat et dans lequel on a autour de la table tous les acteurs du territoire qui décident collectivement et publiquement du devenir qu'ils veulent avoir pour leur territoire. Et ça, je pense que c'est pas propre à la question des risques, c'est propre à l'ensemble des questions de société. On traverse aujourd'hui une époque où on a énormément de changements. Ces changements, ils sont rapides. Ils sont pas forcément facilement anticipables ou prévisibles dans tous leurs impacts. Et donc, cette question du politique, elle doit vraiment être remise au cœur de ces enjeux de sécurité et d'environnement. Merci beaucoup, Magali Regezza. Je rappelle que vous êtes géographe et que vous avez notamment publié Résilience chez Istée Éditions. Superfell a été déglingué par Sylvia Favre à la production, gâché par Samuel Rosano à la technique et complètement ruiné par David Jacoboviez à la réalisation. Superfell.